son orgueil, son despotisme. L'emporte néanmoins dans la balance des actions et des paroles qui prouvent chez lui l'abus de la toute-puissance et qui semblent justifier sa mort. Non content d'accepter des honneurs excessifs, comme le consulat prolongé, la dictature et la censure des mœurs à perpétuité, sans compter le prénom d'impérator, le surnom de père de la patrie, une statue parmi celles des rois, une estrade dans l'orchestre, il souffrit encore qu'on lui en décerna qui dépasse la mesure des grandeurs humaines. Il eut un siège d'or au Sénat et dans son tribunal. Il eut dans la procession du cirque un char et un brancard sacré. Il eut des temples et des autels et des statues auprès de celles des dieux. Comme eux, il eut un lit de parade. Il eut un flamine. Il eut des luperques. Et enfin le privilège de donner son nom à un mois de l'année. Il n'est pas de distinction qu'il ne reçut selon son caprice et qu'il ne donna de même. Consul pour la troisième fois et pour la quatrième, il n'en prit que le titre, se contenta d'exercer la dictature qu'on lui avait décernée avec ses consulats, et ces deux années-là, il désigna deux consuls suppléants pour les trois derniers mois. Dans l'intervalle, il n'assembla les comices que pour l'élection des tribuns et des édiles du peuple. Il établit des préfets propréteurs pour administrer, en son absence, les affaires de la ville. Un des consuls étant mort subitement la veille des calendes de janvier, il revêtit de cette magistrature vacante, pour le peu d'heures qui restait, le premier qui la demanda. C'est avec le même mépris des usages consacrés qu'il attribua des magistratures pour plusieurs années, qu'il accorda les insignes consulaires à 10 anciens préteurs, qu'il fit entrer au Sénat des gens qu'il avait gratifiés du droit de cité, et même de quelques Gaulois à demi-barbares, qu'il donna l'intendance de la monnaie et des revenus publics à des esclaves de sa maison, qu'il abandonna le soin et le commandement des trois légions laissées par lui dans Alexandrie à Ruffion, fils d'un de ses affranchis et l'un de ses mignons.